Parmi les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou. Le 0473 86 00 13, numéro disponible que vous devez vous approprier, car il faut faire croire au relou que c'est votre numéro de téléphone. Pour ce faire, c'est facile, il suffit simplement de le retenir par cœur, et quand vous croisez quelqu'un qui vous prend la tête, plutôt que de l'insulter, de l'envoyer chier, etc., vous dites simplement: non, écoute, j'ai pas le temps, mais tiens, je te donne mon numéro de téléphone et on se rappelle au plus vite. Ça, le gars, il sera persuadé qu'il a fait la bonne affaire. Donc ça peut fonctionner pour tout le monde, hein. Ça peut fonctionner pour les relous dans un bar, dans une discothèque, ça peut fonctionner avec votre patron éventuellement, ça peut fonctionner avec votre prof, avec votre directeur, bref, avec n'importe qui, ça marche. Comme par exemple ce numéro-là, enfin ce numéro, ce message-là, écoutez bien, c'est le premier qu'on écoute maintenant. Oui, monsieur Varayen, bonjour, vous m'avez déjà appelé et je souhaiterais vous parler parce que je suis secrétaire d'un mouvement de jeunesse et nous organisons des vacances pour des jeunes et lors de notre carnet de tout le monde, nous faisons un tombola, c'était pour savoir si vous offriez des lots. Je vous remercie, très bonne journée à vous. Oh, ça c'est les mal ça. Les fameuses récoltes de l'eau. Les récoltes de l'eau. Mais oui, c'est dommage. Oh là, c'est sur... dégueulasse quand même d'avoir filé le numéro d'Alliance. Oh, c'est mal, c'est mal. C'est très mal. Ouais. C'est très mal. Allez, deuxième message laissé sur l'Alliance Tirolo. Oui, comme je vois, bien de retirer 330 euros au bingo. Donc pour l'instant, tu peux mettre une tournée générale. On se voit quand tu veux, à n'importe quelle heure. Ok, allez, à plus, hein. Non, ton numéro, bah bonsoir. Merci. Eh ben voilà, tiens, donc encore un bon relou là. Ouais, c'est ça, le mec il a enterré 330 euros, donc il les a perdus au bingo. Ah, c'est ça, pour ça qu'on a dit qu'il les avait gagnés, mais en fait non, pas non, du tout. Non, il les pas a perdus. Pas du tout. Bon, allez, troisième et dernier message pour ce tour-ci. Bon, ouais, salut, hein, je suis à Fondaire, on est deux, mais bon, le temps que tu n'es pas là, je vais attendre un autre, quelqu'un d'autre, ça va. Et ben voilà. Bon, voilà, encore un bon relou aussi, celui-là. Je pense il va attendre un autre. Bah ouais, il a c'est que ça à faire. Qui est bien, tu vois, il a compris. Bon, tu viendras pas, bah c'est pas grave, je vais attendre un autre. Et ce qui est bien, c'est qu'il prévient la personne quand même, c'est pas mal. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Sterika. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Et puis nous allons prendre Joseph, qui est avec nous maintenant, 23 ans de Joseph Liège. Ne répond pas. Eh Joseph bah, quoi, bah dis donc, très bien, 23 ans de Liège, qui voulait faire une déclaration express à sa cousine Laetitia. Donc, quelque à chose. Sa cousine. Oui, c'est un peu d'inceste, oui. Enfin rien de grave. Non, c'était juste une déclaration parce que je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Ah, bah, je trouve qu'il y a pas de mal de temps en temps à découvrir sa sexualité c'est avec ça. Sa cousine. Bon, on va appeler Laetitia maintenant. On y va pour la déclaration express de la part de Joseph, 23 ans de Liège. Et puis bah on verra ce qu'elle va en penser. Allez, c'est parti, on appelle Laetitia. Oui, c'est parti. Allez. Et puis il y aura une troisième devinette qui colle dans un instant. Alors, ça ne téléphone pas ça. Il y aura encore des écrans plats à gagner, bien sûr. Et... Allô ? Allô, Laetitia ? Oui. Salut, Laetitia, c'est Mickaël. T'es en direct sur Fun Radio, ça va bien ? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Laetitia. Tu sais pourquoi je t'appelle ? Non. Non, eh ben je vais te le dire. Parce que tu as un cousin qui s'appelle Joseph, c'est ça ? Oui. Qui n'a pas beaucoup de couilles, on peut le dire. Hein, puisque il nous avait demandé une déclaration express pour toi, Laetitia. Pour te déclarer, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, écoute-la. Cette déclaration est pour toi, Laetitia. Sur Deepside DJs. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite. Bah, Mickaël. Mais il faut faire le oh, il l'a pas non, fait, non, il l'a non, pas non, fait. Arrête ça tout de suite. Faut bien que je le fasse. Tu sais que t'es trop bonne, mais bon, t'es pas cochonne. En plus, t'es qu'une ivrogne. Ça, c'est bon, ça. Et comme un facochère, tu grognes. T'étais sur le podium. Tu chauffais tous les hommes. Ton verre de vodka pomme, il te rendait vraiment trop conne. Y'a un truc qui m'étonne, c'est que pour une pochetronne, t'es vraiment fort mignonne. Mais non, c'est pas vrai, je déconne. Ah, donc visiblement, tu as quelques tendances à boire facilement, Laetitia. Mais pas du tout. Apparemment, tu as la descente facile, paraît-il, d'après ton cousin. Pas vraiment, mais enfin. Pas vraiment, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Bon, ben, c'est dommage qu'on n'arrive pas à le joindre, malheureusement. Je crois qu'il a peur de ta réaction, il a peur que tu le frappes. Oui, mais c'est pas très sympa, quoi. Oh, c'est pas très grave. Bon, Laetitia, je te fais des gros bisous, en tout cas. Merci beaucoup. Salut. Et puis Joseph, si tu nous écoutes, hein, sache que tu n'as pas eu les couilles, c'est bien dommage. Si vous aussi vous voulez faire une déclaration d'express à votre copain, votre copine ou pourquoi pas à la famille, tiens, n'hésitez pas, ou une déclaration de rupture, n'hésitez pas à joindre l'OEB, loeb@funradio.be, ou alors un petit SMS au 3044 en débutant votre message par déclaration. Même au prof de maths, n'importe qui. Ah ouais, on peut faire des déclarations au prof, bien sûr. Mickaël à la radio, le Fun Radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Bon, alors, on l'appelle qui et pourquoi ce matin, Toff, alors? En fait, je proposais aux gens de rejoindre l'intersyndicale pour une diminution du salaire des politiques. Ouh là là. C'est-à-dire ouais. Bah, en fait, j'imagine que, comme tout le monde vous avez reçu via Facebook, par mail ou limite par pigeon voyageur, normalement, vous avez dû le recevoir, c'est ce magnifique message qui dit « L'Europe manque d'argent, point d'interrogation, une solution, 577 députés, 343 sénateurs, 30 ministres et secrétaires d'État pour la France. Si on baissait leur salaire de 1000 euros, on gagnerait 950 000 euros par mois. » Et donc multiplié par 12, 1 million, machin, blablabla. 11 400 000 euros par an. Ouais, on économiserait si on diminuait juste pour les politiques français, voilà. 1 000 euros par mois. C'est-à-dire rien. Mais c'est déjà ça. C'est vrai qu'à l'état, à l'échelle d'un pays, c'est comme si tu économisais 10 euros. C'est ça, comme quand tu dois 1600 milliards, 11 millions, c'est rien. Oui, c'est rien. Bon, enfin, c'est toujours ça de prix, quoi. Voilà. Et donc, du coup, tu vas essayer de trouver des solutions ou... Non, pas du tout. Je vais proposer aux gens de rejoindre mon ami Roger, hein, de l'intersyndicale, pour descendre dans la rue afin d'obtenir donc, les politiques baissent leur salaire de 1000 euros. D'accord. Et tu crois qu'on va te suivre? Je sais pas, mais on peut toujours essayer. Oui, en c'est même temps, vrai qu'effectivement, on peut. Ils touchent 10 000 euros, donc moins 1 000 euros, c'est pas si grave. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Bon. Ah, eh ben, on y va alors, on va appeler mais où allons-y. On va appeler où? On va aller à Oupay. Allez, à Oupay, c'est parti, on y va, on appelle. Je suis très excité à l'idée d'y aller. Ah oui, mais ça c'est clair. Je suis au taquet. Ça c'est clair, allez, allez, allez. Allô? Allô, bonjour madame. Qui êtes-vous là? C'est Roger, Roger de l'intersyndicale, madame. Je ne vous connais pas, moi. Mais non, madame, on ne se connaît pas. Mais je vous appelle parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de lutter tous ensemble, ouais, ouais, ouais. Et je vous appelle, madame, parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de dire que trop, c'est trop, et que assez, c'est assez, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons demander... Que, on est où, nous autres, on est âgés, vous venez nous éveiller en sursaut. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'arrivé. Mais oui, madame, il y a quelque chose qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est la révolution. Oui. Il faut que vous descendiez dans la rue, vous vous habillez et vous venez avec nous pour dire que maintenant, les politiques, ils doivent arrêter de prendre notre argent. Ah, ben voilà, tiens, elle vient. D'accord. Ah, oui, apparemment, elle n'est pas d'accord, mais nous allons la rappeler. Mais oui, nous allons effectivement la rappeler immédiatement. Allez, hop, c'est parti. C'est vrai, quand même. Ça se fait pas de raccrocher au nez pour économiser autant. Allô. Oui, madame, nous avons été coupés. Alors que j'étais là pour... C'est moi qui coupe, c'est moi qui coupe. Vous voulez nous laisser tranquille, oui? Mais non, madame, on ne peut pas abandonner la lutte, pas maintenant. Vous ne pouvez pas. Mettez-moi la paix. Rejoignez le mouvement, madame. Eh ben voilà, elle a bien joué le mouvement là. Je ne comprends pas. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Alors que nous nous battons pour elle. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle un échec. Alors qu'elle cuisant. A sa petite retraite. Mickaël à la radio, le Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Comme chaque lundi, il faut qu'on revienne sur cette grande émission du vendredi, qui est donc... L'amour est aveugle. Exactement, voilà. Et la semaine dernière, il y avait encore des champions du monde. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette émission culturelle, le principe est assez simple. Trois filles, trois garçons qui cherchent l'amour... dans une grande maison, mais ils ne se rencontrent que dans le noir. Et vous, qu'en pensez-vous? L'amour peut-il être aveugle? C'est ce qu'ils vont vérifier. Maintenant. Oui, merci Arnaud, je venais juste de le dire. Tellement les boules, c'est ah, grave, grave. En plus, il a une tête bizarre. Enfin bref. Vendredi, c'est une spéciale philosophie. Alors d'abord avec France, hein, qui nous décrit son homme idéal. Je cherche un homme qui aurait le physique de Brad Pitt et l'intelligence d'Aristote ou de Platon. Ouais.